19h30 au Palais Montcalm. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Cet automne, la Ligue québécoise d'impro BD, Ligue BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où viennent s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoires courtes et récits longs, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 27 novembre, 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Liki BD, une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec CKRL. Information, likibd.com. Ce soir à l'Aérospatial, retour sur la foire d'art contemporain de Saint-Lambert et entrevue avec des artistes de Québec qui y ont brillé. Art web avec Pierre Ginaire en résidence à la Chambre Blanche et Gabriel Bernacci sur le projet Galerie Galerie et les soirées de création interactive Mine de rien. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à cette édition du 25 octobre de l'Aérospatial. Alors, Sarah Bélanger-Martel avec vous pour la prochaine heure pour parler d'art actuel à Québec, mais aussi ailleurs, parce que ce soir, on a notre chroniqueuse Louane Bourdeau qui est avec nous et qui va faire en début d'émission un retour sur la présence de nos artistes de Québec à la Foire d'art contemporain de Saint-Lambert qui se déroulait du 20 au 23 octobre dernier. Et en studio, on a d'ailleurs la chance d'avoir quelques artistes. On vous avait promis de re-remplir le studio d'artistes cette semaine. Alors, on aura avec nous en début d'émission Marie-Fauve Bélanger, Fanny Ménard et Sarah Thibault qui ont participé à la Foire d'art contemporain de Saint-Lambert. On va également parler d'art sur la toile avec le projet d'espace de diffusion d'art web Galerie Galerie que son instigatrice, une des instigatrices à tout le moins, Gabrielle Bernacci, viendra nous présenter un petit peu plus tard en deuxième moitié d'émission. Et on aura aussi la chance d'avoir l'artiste français Pierre Ginaire qui est en résidence d'art web à la Chambre Blanche actuellement. Et en fin d'émission, comme d'habitude, on vous propose quelques suggestions d'expositions et d'événements en art à ne pas manquer à Québec cette semaine. Et on reçoit également Mélina Queiroz qui va venir nous parler de son projet de soirée de création interactive, mine de rien. Donc, restez avec nous. Un petit peu d'art audio cette semaine, la sélection musicale de notre commissaire musical en résidence, Simon Roy, a choisi pour nous sur les internets l'artiste Airplane Music et on va écouter un premier extrait à l'instant. Thank you. Alors, première partie d'émission de l'aérospatiale. On est en studio ici avec plusieurs artistes, avec notre chroniqueuse Louane Bourdeau. Bonsoir, bonsoir. Louane. Bonsoir. Et on a avec nous, donc en studio, Sarah Thibault. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. On a aussi Marie-Fauve Bélanger qui est là. Bonjour. Bonjour, un petit peu loin du micro. Et Fanny Ménard, qui est également avec nous. Alors, bonjour Fanny. Bonjour. Oui, trois artistes de Québec qui étaient à la foire d'art contemporain de Saint-Lambert. Alors, Louane, tu vas nous en parler un petit peu de cette foire-là, cet événement-là. Oui, effectivement. Donc, le nom le dit, c'est une foire en art contemporain. Donc, cette année, ça avait lieu du 20 au 23 octobre, donc 4 jours. C'était la 7e édition, donc ça a vu le jour en 2010. Donc là, je vous cite la mission de la foire. Donc, c'est promouvoir l'art contemporain et offrir une vitrine de choix aux artistes professionnels de la relève, indépendants ou en galerie. Donc, vraiment, on peut voir des artistes d'art contemporain, mais vraiment avec toutes sortes de pratiques. On peut parler d'art textile, céramique, dessin, estampes, peinture, sculpture. Donc, il y a une programmation qui est assez variée. D'année en année, il y a à peu près 35 artistes qui y sont présentés. Il y a aussi une galerie qui est mise en vedette. Cette année, c'était la galerie Armure qui était là. Donc, pendant 4 jours, qu'est-ce qui se passe en fait? Les artistes présentent leurs œuvres. Donc, il y a le grand public, les collectionneurs qui s'y promènent. Au fil du temps, ce que j'ai lu comme statistique, c'est qu'à peu près 50 000 $ de transactions se faisaient au cours de la fin de semaine. Ben, en fait, des 4 jours. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Oui, c'est lucratif. Effectivement. Il y a de l'argent qui des transactions. Donc, en fait, c'est une occasion d'affaires, de vente pour les artistes, mais ça offre aussi une certaine vitrine. Donc, il y a aussi des galeristes qui peuvent les voir. Il y a aussi, différentes institutions. Il y a aussi de la médiation qui se fait auprès de différents publics. Donc, il y a eu, entre autres, un projet qui a été fait avec Mimi Train, entre autres, donc un projet d'art textile. Et finalement, c'est aussi une occasion de discuter avec d'autres artistes qui vivent à peu près les mêmes réalités que nous. Donc, c'est vraiment assez varié. Cette année, il y a eu un bon contingent d'artistes de Québec qui étaient là, donc à peu près une dizaine d'artistes de Québec. Les trois qui est ici ce soir avec nous, mais il y en avait d'autres, dont Mathieu Gauthier, Luce Pelletier, Ilana Pêchon, Olivier Roberge, qui a d'ailleurs gagné le prix coup de cœur du public. Ah, bravo à Olivier Roberge. Oui, tout à fait. Donc, et d'autres artistes. Donc, vraiment, c'est une fin de semaine que j'imagine assez chargée pour ceux qui ont participé. Les filles semblent se remettre un peu de cette fin de semaine. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être un petit peu nous livrer comme ça vos impressions générales pour commencer de cette fin de semaine. Peut-être commencer par Fanny. Fanny, toi, c'est ta deuxième participation, si je ne me trompe pas, à la foire, à cette foire-là en particulier. Oui, absolument. Oui. Donc, on peut dire que je suis une artiste expérimentée de la foire. Ouais. Non, je plaisante. Non, ça m'a pris 2 ans, en fait, pour la refaire. OK. Non, comme on s'était pas revus toutes les trois depuis la fin de la foire, finalement. Puis, on se disait qu'on avait mis du temps à s'en remettre. C'est très fatigant parce qu'on côtoie énormément de monde pendant les 4 jours qui se déroulent. Mm-hmm. Les horaires sont différents aussi d'un jour à l'autre. On a 2 journées complètes, le samedi et le dimanche. Puis, le jeudi et le vendredi, c'est plutôt en soirée. Ça nous permet quand même de souffler entre les heures qu'on est là, on est présent, parce qu'on est vraiment là pendant toutes les heures d'ouverture, et il y a énormément de monde. Un public qui est extrêmement cultivé aussi de parler avec les artistes. Ah oui. C'est-à-dire que les gens n'hésitent pas à venir vers nous, à nous questionner sur nos pratiques, à rentrer dans le travail, dans son intimité, dans son aspect pratique. Fait qu'il faut être prêt à y aller sur tous les fronts au niveau de notre travail. C'est comme un peu un vernissage ininterrompu pendant 4 jours, si je comprends bien. Et pour les 2 autres artistes, est-ce que c'était votre première participation à la foire, Sarah et Marie-Fauve? Oui, dans mon cas, c'était ma première participation. Là, c'était la première fois que j'ai envoyé mon dossier aussi. Là. OK. Puis, j'ai quand même une question parce que, bon, vous avez déjà, j'imagine, exposé à certains endroits. Vous avez déjà une pratique à votre actif. Qu'est-ce que ça représente pour vous comme opportunité, ou qu'est-ce que ça a de particulier peut-être de participer à une foire comme celle-là? Ben moi, je dirais que c'est vraiment une occasion d'aller jaser, d'aller rencontrer des gens, d'aller montrer son travail. c'est pas réellement un contexte d'exposition dans le cas de cette foire-là, j'ai trouvé, là. Mais c'est ça, on fait beaucoup de rencontres, des belles rencontres avec des artistes, des galéristes, des collectionneurs, des gens du milieu culturel. C'est super intéressant. On peut montrer son travail, en discuter avec les gens, connaître leurs impressions. Mm-hmm. Marie-Fauve, toi, ouais. Est-ce que tu as trouvé un petit peu que c'était le même genre d'expérience pour toi, de très, très humaine, plus que presque un travail, une expérience d'exposition? Moi, j'ai adoré ça. J'ai rencontré plein de personnes qui m'ont dit des commentaires super intéressants sur mon travail, puis j'ai trouvé que c'était pertinent pour moi de continuer avec ces commentaires-là. Mm-hmm. Puis des personnes qui sont habituées de voir de l'art puis qui disent que ton travail est bon, mais c'est encourageant. Mm-hmm. Donc, quand moi, je viens juste de sortir de l'école des métiers d'art, là, j'ai fini en juin. Puis tout de suite, là, j'ai appliqué pour la foire. Donc, pour moi, c'est une première expérience de mon travail à l'extérieur de l'école. Donc, pour moi, c'était vraiment intéressant de voir ce que le public en pensait, là. Est-ce que tu avais créé des œuvres spécifiquement pour, ou dans l'idée vraiment de les présenter dans un contexte dans le contexte de cette foire-là, ou c'était des œuvres qui étaient déjà un bagage d'œuvres qui avait déjà en cours? C'est un peu les deux, là, en fait, là, parce que je fais beaucoup de sculptures qui ont un format assez, facile à l'achat, en fait, là. C'est pas très gros, mm-hmm. puis c'est quand même, c'est joli en tant que tel, c'est esthétique, là, ça va bien avec ma pratique, en fait, là. Je fais du joli avec des matériaux assez bruts, mm-hmm. Donc ils m'ont choisi un peu pour ça aussi, là. Le Jacques Sénécal, là, m'a écrit, puis il m'a dit, quand il m'a invité à m'inscrire pour la foire, il m'a dit, ton travail est vraiment comme fit avec l'événement, vraiment. Mm-hmm. Donc, mais j'ai fait d'autres pièces de plus à l'œil de poisson, j'avais une résidence d'un mois, donc j'ai fait 2 à 3 semaines à l'œil de poisson pour préparer justement des œufs exprès pour la foire. Tu t'es amusée avec la menuiserie. Oui. Oui. D'ailleurs, on parle de contexte de foire. Bon, c'est sûr qu'on parle d'œuvres qui viennent entrer dans le marché de l'art. Tu disais des choses qui sont esthétiques, qui sont jolies. Donc, des choses qui peuvent aussi être achetées facilement. Est-ce que vous distinguez, à l'intérieur de votre production, certaines œuvres qui s'insèrent bien dans ce contexte-là, plus d'œuvres vendables ou ce sont c'est une seule et même production? Pour ma part, c'est une seule et même production, puis c'était ça que je trouvais intéressant dans le fait de le refaire une seconde fois, parce que comme on le disait au départ, c'est vraiment une vitrine, fait qu'effectivement, oui, il y a la dimension de vendre et d'acheter, mais il y a aussi la dimension de montrer et de se faire voir par les gens qui nous intéressent de rencontrer aussi. Mm-hmm. Fait que non, c'est pas un contexte d'exposition classique, on va pas aller installer notre travail comme dans une galerie ou dans un centre d'artistes, mais on peut prendre le guess de le faire, puis un petit peu pour montrer, donner la chance aussi aux gens de comprendre comment on montre notre travail, puis mm-hmm. ça leur permet en même temps de pouvoir éventuellement l'acheter. Mais je dirais que ce que j'ai pu voir, en fait, dans les productions qui avaient été présentées il y a 2 ans comparativement à celles de cette année, c'est qu'il y avait moins de compromis au niveau de la production des artistes. Okay. Il y avait moins de... Il n'y en avait pas tant non plus, mais il n'y avait pas le fait de faire des produits dérivés. Je pense que ça dessert beaucoup un marché qui est en construction au Québec, mm-hmm. le marché de l'achat. Ouais. Et du coup, ici, je trouvais qu'il y avait vraiment... oui, j'ai vendu des œuvres, mais j'en ai vendu peu, mais je les ai vendues au prix qu'elles valent. Mm-hmm. Et puis ça, je pense que c'est important de le planter. Fait que on peut penser une production, on peut penser à sélectionner des pièces dans le contexte de la foire, mais je pense que c'est bien important pour que ça reste une foire en art contemporain, justement, que ce soit des pièces qui vraiment soient dans la continuité de notre production. Mm-hmm. Puis justement, j'attrape ce que tu as dit, une espèce de progression peut-être cette année, plus d'ouverture à laisser les gens faire plus d'expérimentation peut-être dans la façon de présenter le travail. Est-ce que tu as l'impression que c'était une volonté des organisateurs de la foire ou ce sont les artistes qui se sont eux-mêmes permis de prendre des libertés peut-être avec le contexte d'exposition, de dire « Ah ben moi, c'est ainsi que je présente le travail » ou... Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est par rapport à la sélection d'artistes qui avait été faite. C'est les artistes eux-mêmes, peut-être, qui ont plus une culture de présentation aussi aujourd'hui. J'en sais rien. On parle de relève, mais tu sais, il y avait quand même beaucoup de générations qui étaient représentées. Hein. Moi, je ne suis plus la relève. Il y avait des artistes aussi plus âgés. Fait que Non, il y avait vraiment... Puis d'ailleurs, l'artiste qui a eu le prix, je me rappelle plus son nom, malheureusement. Andréane Carrier. Merci. Avait vraiment pardon, choisi... pouvez-vous le répéter? Andréane Carrier. Andréane Carrier, parfait, oui, merci. Justement, elle a gagné le prix, en fait, du jury de la foire parce qu'elle avait choisi d'exposer 4 pièces dans ce tout petit espace. C'était une installation très, très vide, très épurée. Et ce choix-là a été souligné par le jury et salué. Fait que, effectivement, on a aussi un retour de l'organisation dans ce sens-là. Ouais. Mm-hmm. Je profite aussi de l'occasion d'avoir Sarah avec nous en studio, parce que Sarah, si je ne me trompe pas, ton travail a été non seulement... tu as pu faire de l'installation un petit peu, tu as pu te répandre à l'extérieur de simplement le lieu même de la foire. Oui, à chaque année à la foire, il y a une intervention spéciale qui se fait à l'extérieur. Donc là, cette année, les membres de l'organisation avaient vu des photos de mon travail, que j'avais déjà effectué des installations à l'extérieur, justement. Ils m'ont demandé de faire une installation. Dans ce cas-ci, j'en avais une complètement à l'extérieur du bâtiment, juste à côté de la porte d'entrée, une aussi à l'intérieur qui était dans un guichet, juste à l'entrée. Fait que donc, les gens pouvaient aussi voir comment ton travail s'infiltre dans le quotidien aussi. C'est intéressant, cette approche-là, d'avoir en fait l'ouverture de la foire, que la foire ait cette ouverture-là à ton travail aussi. Oui, ça m'a permis de présenter un autre pan de ma pratique qui ne fait pas nécessairement partie du contexte de la foire, tu sais, qui est vraiment plus installatif, extérieur. Super intéressant. On va continuer à en parler. On va prendre une petite pause musicale. Alors, on va écouter un deuxième extrait de la sélection de Simon Roy et on vous revient tout de suite après avec la suite de cette entrevue avec les artistes qui sont allés à la foire d'art contemporain de Saint-Lambert. Thank you. Alors, on est de retour à l'aérospatiale, toujours avec nos trois artistes, Fanny Ménard, Sarah Thibault et Marie-Fauve Bélanger, notre chroniqueuse Louane Bourdeau, pour continuer à parler de la Foire d'art contemporain de Saint-Lambert. Et on en discutait un petit peu comme ça pendant que vous écoutiez la musique. De notre côté, on discutait un peu du mode de sélection des artistes de la Foire. Et c'est vraiment intéressant. Marie-Fauve, peux-tu nous parler un petit peu, toi qui disais tout à l'heure qu'on t'avait invité à déposer un dossier, comment en fait ça fonctionne, la sélection de ces artistes là, qui participent à la foire? Bien, c'est sûr qu'il y a un appel de dossier qui est envoyé. Donc, toutes les personnes peuvent s'inscrire, envoyer son dossier. Mais il y a quand même... moi, j'ai été abordée là, par Jean Sénécal, qui m'a écrit un texte en disant « Ton travail, je l'ai vu à ton exposition de finissant. Tu devrais appliquer. Ça serait genre d'événement qui pourrait vraiment être bien pour toi, pour ton travail. » Donc, ils font vraiment une tournée des finissants comme ça, parce que toi, tu viens tout juste de finir. Ouais. Et puis, vous êtes des artistes à différents points dans vos carrières. Donc, c'est pas juste non plus la relève. Il y a des gens qui ont une pratique déjà bien établie. Oui, c'est ça. Puis comme je te disais tantôt à la pause, en fait, c'est qu'ils regardaient même pas les CV, en fait. Ils ont dit que cette année, ils voulaient vraiment pas être influencés par le CV, mais par la pratique, les œuvres même des artistes. Donc, ils voyaient le potentiel des gens, puis ils ont choisi comme ça leur sélection de cette année. Et ça a donné une sélection très forte en Québec. Oui! Quand même, hein? On a 10 artistes sur 35 et même des gens qui sont beaucoup rattachés au milieu des métiers d'art, quand même. Oui, en fait, j'ai compté 8 dans ma tête, mais je veux vraiment pas me tromper, là, mais il y a une grosse liste d'artistes qui viennent de la Maison des métiers d'art, là. Ouais. Puis qui prennent des... Là, je peux donner des noms aussi, là. Il y avait Mathieu Gauthier, il y avait Ito Laila, il y avait Lauriane Thibodeau, il y avait moi, il y avait Sarah. Olivier Roberge, qui a fait l'ébénisterie, oui. Mais qui est quand même issu du milieu, là. Donc, c'est quand même une bonne sélection d'artistes qui sont... En fait, des artistes qui ont qui travaillent avec des matières différentes. Oui, c'est intéressant. Ouais. Très intéressant. Et on en parlait de la foire, cette foire-là en particulier, contrairement peut-être ou en différence à d'autres foires qui offrent pas une surabondance peut-être ou un effet de supermarché d'œuvres d'art où elles sont toutes collées les unes sur les autres. Il y a plus d'espace pour chacune de vos pratiques. Vous trouvez dans cette ça a été une belle expérience pour vous pour mettre en valeur votre travail? Ben oui, en fait. Elles ont tous fait bout de la tête, ce que vous ne pouvez voir. Oui, c'était super intéressant comme méthode. On a vraiment un espace attribué. Puis après, on est deux artistes dans le même espace. Ils réfléchissent vraiment les artistes qui vont jumeler ensemble. Comme moi, je fais de la sculpture, je prends de la place, il y a du fion-fion, il y a de l'art. J'ai été jumelée avec Sandra Lachance, qui fait de la photographie, du paysage plus épuré. Donc, on avait suffisamment d'espace dans notre kiosque quand même. Pour que ça respire. Ouais, c'est mm-hmm. ça. Là. Donc, ils réfléchissent vraiment, les gens qui mettent ensemble. Fanny et Marie-Fauve, justement, étaient dans le même... Dans ouais. le même espace, là, donc... Ouais, c'est assez drôle quand on arrive dans la foire, on le sait pas avec qui on va être. Fait que là, on fait le tour, puis on cherche son kiosque, on cherche son nom, puis on voit, OK, le nom est à côté. Puis Marie-Fauve, j'avais vu son travail, oui. je le connaissais d'aperçu, j'ai comme fait « Fiou! » T'es comme « OK, je suis pas matchée avec quelqu'un qui ça va être désagréable. Ouais. » Puis j'avais comme dans l'idée de faire quelque chose de très épuré, justement. Mm-hmm. J'étais plus dans des noirs et blancs avec mes dessins, des petites touches colorées avec mes sculptures, puis avec les sculptures de Marie-Fauve, ça marchait super bien. Ah ouais. On était vraiment contentes. Mm-hmm. Et ça a été l'occasion de nous rencontrer en plus. Fait que c'est comme du deux pour un. Là. Puis j'imagine aussi que justement, en faisant des sélections comme ça, ils choisissent aussi des gens qui seront pas... Ça va faire un peu méchant, mais en compétition directe aussi mm-hmm. ensemble, comme c'est des pratiques qui me semblent complémentaires de la manière dont vous parlez, bien, c'est quand même intéressant parce que à la fois, vous mettez les deux en valeur, puis il n'y a pas non plus de compétition qui va vendre ou pas. Ouais. Donc, ça change aussi un peu, j'imagine, la dynamique... Mais par rapport à ça, de toute façon, je pense que les artistes sont des drôles de bébites. On a beau vouloir vivre de ce qu'on fait au plus qu'on peut, puis vendre des affaires, ça reste que l'ambiance entre oui. les artistes est extraordinaire. Mmh. Puis, je veux dire, c'est beaucoup de solidarité, beaucoup de discussions, beaucoup de... Avec les artistes aussi, on en apprend sur notre propre pratique, puis c'est ça, c'est hyper enrichissant là, entre nous, là, je veux dire... Cette portion-là de l'expérience de la foire, justement, semble revenir dans ce que vous dites, c'est vraiment l'aspect échange, échange à la fois entre les artistes, échange aussi avec un public qui est assez... Est-ce qu'il est différent de ce que vous voyez quand vous présentez dans d'autres contextes, que ce soit en centre d'artistes ou en d'autres types de lieux de diffusion? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un public différent ou ce sont les mêmes gens qui vont à la foire? Ben, le public des collectionneurs, souvent, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement une pratique, là, qui sont intéressés. On était en Saint-Lambert. Saint-Lambert, c'est quand même, on dit le Sillery de Montréal, là, c'est quand même assez aisé. Donc, il y a beaucoup de gens riches qui peuvent se permettre d'acheter de l'art en connaissant le milieu des arts, mais en faisant pas, en fait, une pratique. Mm-hmm. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, des habitants de Saint-Lambert, qui n'avaient pas nécessairement une relation avec l'art, qui sont pas allés beaucoup dans les musées, dans les galeries, etc., mais qui venaient quand même à l'événement, qui y allaient à chaque année, qui prenaient la peine de discuter avec les artistes. Donc, je pense que leur mission, leur mandat de vraiment répandre la bonne nouvelle et réussir là, dans ce cas-là. Ah ben c'est génial, ça a été donc une belle expérience pour vous trois. Comptez-vous réappliquer peut-être pour une prochaine édition? C'est à chaque 2 ans, si je me trompe? Non, à chaque année. Ah, vraiment, d'accord, ouais, OK. Ouais, avez-vous l'intention de participer à nouveau à cette foire? Oui, probablement. Oh, ouais, moi aussi. Ben, pourquoi pas, dans la mesure où j'aurais d'autres choses à présenter ou peut-être je pourrais penser les choses un peu différemment. C'est vraiment fatigant. Moi, j'aime bien une fois toutes les 2 ans. Une fois toutes les 2 ans, le côté biennal. Bon. Et d'ailleurs, parlant de foire, nous aussi, on en a une à Québec qui s'en vient sous peu. Donc, Louane, on a eu la chance cette semaine d'avoir le dévoilement des artistes qui feront partie de la programmation de la foire en art actuel de Québec. Oui, donc ben, cette année, comme vous le savez peut-être, le commissaire, c'est Emmanuel Galland. Et donc, il y a eu le dévoilement cette semaine d'artistes. Les artistes sont assez variés. Encore une fois, un peu comme à la foire à Saint-Lambert, il y a une bonne représentation de Québec, mais il y a aussi des artistes qui viennent d'un peu partout. Il y a des artistes qui sont, disons, plus établis. Par exemple, Florent Cousineau. Pardon, je suis en train de perdre la voix. Donc, il y a des artistes aussi qui sont davantage de la relève. Donc, on peut penser par exemple à Marie-Ève Fréchette en sculpture. Sinon, il y a aussi John Boyle Singfield. Et sinon, il y a aussi le collectif Acapulco de Québec, Ludovic Bonnet. Donc, c'est encore une fois une programmation qui est assez variée et qui est assez grande cette année. Donc, contrairement à d'autres années, il y a vraiment plus d'artistes, j'ai l'impression, qui sont présentés à la foire. Donc, cette année, encore une fois, ça aura lieu à Méduse, donc plus particulièrement dans les galeries de l'Œil de Poisson et de Vue. Et ça aura lieu donc bientôt dans un mois du 25 novembre au 27 novembre. Et puis, d'ailleurs, est-ce qu'on peut le dire? On peut le dire. Il va y avoir une émission spéciale sur nos ondes sur la foire le 22 novembre. Exactement. Donc, on n'a pas fini de vous parler de foire à l'aérospatiale. Et on aura aussi l'occasion d'en discuter avec des artistes qui participent aux foires et également d'autres intervenants, probablement des organisateurs. On espère avoir peut-être le commissaire avec nous. Donc, vous nous écouterez dans un mois. On va parler de la foire d'art contemporain, d'art actuel, pardon, de Québec. Alors, de notre côté, on va prendre une petite pause publicitaire et ensuite, on vous revient pour une seconde moitié d'émission. Mais merci énormément à ces 3 artistes qui se sont jointes à nous ce soir. Alors, Sarah Thibault, merci. Marie-Fauve Bélanger, Fanny Ménard, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup, Louane, d'être passée pour cette chronique ce soir. Alors, restez les nôtres et on vous revient juste après la pause. Les retardés mentaux sont toujours un peu réticents à l'idée du changement. CKRL 89.1. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour 1 an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. De retour en 2020. 2016. Ne manquez pas l'International des musiques sacrées de Québec du 3 au 6 novembre. En concert, les violons du roi présentent Vivaldi à la chapelle du monastère des Augustines, Kawendak et Yves Sioui-Durand à l'espace Hyperion. La musique sacrée de la cour du Vatican jusqu'aux rues de la Nouvelle-Orléans, avec le quintet de cuivre de l'OSQ à Holy Trinity. Enfin, le 6 novembre, Marie-Josée Laure et le chœur Les Rhapsodes à l'église Saint-Roch. Toute la programmation sur musiquesacréesquebec.com. Procurez-vous le passeport avant le 3 novembre. Billets en vente sur pointdevente.com. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. En novembre, ne manquez pas au cinéma Le Clap, Le Pacte des Anges et Troll dès le 4 novembre, Chocolat et le secret de Ragnarok dès le 11 novembre, Pays et les animaux fantastiques dès le 18 novembre, Harry, portrait de détective privé, Smoke and Mirrors et Christine dès le 25 novembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Qu'on se le dise, folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou Les Chercheurs d'or. Les mardis soirs à 19h30 avec Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL. Dans le cadre de l'International des musiques sacrées de Québec, ne manquez pas Marie-Josée Laure au sommet de son art, à l'église Saint-Roch le 6 novembre. Elle nous présentera les plus beaux airs du répertoire classique et spiritual. Elle sera entourée pour l'occasion du chœur Les Rhapsodes de Québec, sous la direction de David Rompré. Tout sur musiquesacréesquebec.com. Procurez-vous le passeport avant le 3 novembre. Billets en vente sur pointdevente.com. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Alors, on est de retour en studio pour cette deuxième moitié de l'aérospatiale et on a avec nous Gabrielle Bernacchi. Bonsoir, Gabrielle. Bonsoir. Et tu vas nous parler d'un projet qui s'appelle Galerie Galerie. Et d'emblée, j'invite tous les gens qui sont devant leur ordinateur en ce moment ou sur leur téléphone intelligent à aller jeter un coup d'œil à ce projet-là. Vous allez le trouver au www.galeriegalerieweb.com, si je me trompe pas, c'est bien ça. C'est bien ça en français. Galerie G-A-L-E. Oui, voilà, galerie en français, c'est ouais, ça. et donc, vous allez pouvoir voir ce que c'est exactement, mais puisqu'on a la chance d'avoir Gabrielle, une des trois cofondatrices, si je peux dire, du projet, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que Galerie Galerie. Ben, ça a commencé, je dirais, ça doit faire un peu plus d'un an. Sophie, elle m'avait contactée, c'est une de mes bonnes amies, elle est à Montréal, puis elle est beaucoup dans le milieu des arts, puis elle travaille beaucoup avec le numérique, justement, elle fait des œuvres, des vidéos, des gifs, des choses très très flyées, puis elle avait le désir de créer un espace de diffusion en ligne pour les artistes web pour qu'ils puissent trouver un endroit où ils pourraient justement diffuser leurs œuvres parce que c'est pas toujours évident, des fois tu fais ces affaires-là puis tu sais pas où est-ce que tu pourrais les mettre pour que les gens puissent les apprécier. Mm-hmm. Donc de là est partie l'idée, fait qu'on a travaillé là-dessus pendant à peu près un an, on a eu le support aussi de jeunes volontaires qui nous a donné un peu de sous pour continuer le projet, puis ça a fini par voir le jour au mois d'août. Puis concrètement, en fait, c'est un peu comme une galerie galerie, le même le nom le dit, là, une galerie en ligne, mais qui est dédiée à des projets donc d'art web de tout type ou... C'est comme un espace de diffusion en ligne, exactement. C'est comme une galerie, mais vraiment virtuelle plutôt que physique. Là. OK. Et puis, est-ce que vous avez eu plusieurs expositions jusqu'à maintenant? Ou... Là, c'est la deuxième qui est en ce moment, là. C'est notre deuxième exposition, c'est ça. Et qui s'appelle Silicon Valley. Exactement. Oui, Valley, cette fois-ci, Valley en français, en fait, Silicon Valley. Et qui on retrouve, en fait, dans cette exposition-là? Ben, on a Marie Darcigny qui a fait une espèce de Plaza Saint-Hubert virtuel, vraiment flyé. Puis on a, faut pas que je me trompe, voyons... Émilie Gervais et Laure Bardoux qui ont fait une espèce d'hommage à tous les types de genres qui existent un peu, si on veut. Puis la troisième, c'est Jess Mack qui a fait une belle série de gifs très, très féminins. Oui, d'ailleurs, il y avait un peu un thème à tout ça, à Silicon Valley. C'était toi la commissaire derrière le projet, donc c'était un peu sélectionné les artistes qui allaient participer. C'est surtout Sophie et Marie-Charlotte qui ont sélectionné les artistes, mais c'est tous des gens, je crois, qui avaient répondu au premier appel de dossier de la première exposition, puis qu'on a conservé pour la deuxième. Puis, où ils sont peut-être allés les chercher, je ne suis pas sûre non plus. Là. Après, eux, ils m'ont apporté les projets, puis moi, mon travail, c'était d'adapter, ou du moins d'intégrer le tout à l'intérieur de la galerie puis que ça fonctionne le plus possible, autant mobile qu'ordinateur. Oui, c'est ça, parce que ça prend quand même des compétences dans ce domaine-là pour être capable de faire quelque chose, parce que c'est vraiment une expérience. Juste se promener dans la galerie, c'est une expérience qui a un côté très ludique, très proche de certains jeux justement d'ordinateur. Donc, on se promène là-dedans, on peut cliquer sur des choses, on peut déplacer des choses. Même la plateforme comme telle est en soi une œuvre. Elle est quelque chose aussi. Est-ce que c'est ta création, cette plateforme? Il y avait Sophie, c'est elle qui s'occupe de tout le visuel. Marie-Charlotte, c'est surtout les coms et... c'est sur les coms. Puis moi, c'est l'intégration, surtout le code. Donc, tout ce qui est... Qui vient du visuel, c'est Sophie qui m'est arrivée avec des maquettes, puis je regardais ça, puis je disais, oh my god, ok. C'est ça, j'ai tout intégré son univers. Fait que là, moi, c'est vraiment le côté programmation que je m'occupe derrière tout ça. Ce qu'on voit pas. Oui. D'ailleurs, ce qu'on voit pas souvent, c'est drôle, on associe beaucoup ça. Vous êtes trois jeunes femmes dans ce projet-là. Le côté programmation ou jeux vidéo ou l'univers d'Internet, souvent, on se dit, ah, ça, c'est un domaine d'hommes. Est-ce que c'est vraiment le cas, toi, pour être une femme dans ce domaine-là? Quand j'ai commencé mes cours, c'est surtout majoritairement des hommes, mais quand j'ai terminé ma technique, c'était pratiquement rendu 50-50, là, mais c'est sûr qu'il y en a de plus en plus. Moi, je travaillais longtemps dans une boîte web, puis souvent, les gens, ils rentraient, puis ils prenaient pour acquis que j'étais designer. OK, oui, parce que... parce que j'étais une fille, mais non, je codais, puis j'ai fait ça longtemps, j'ai toujours eu la passion pour le code, mais j'en ai venu à avoir un peu comme l'écœurée du domaine... à faire des sites qui sont plus formels, comme des sites de construction, des trucs comme ça, super plates. Puis quand Sophie m'est arrivée avec Galerie, ça m'a vraiment redonné foi et plaisir en la programmation. Puis c'était vraiment plus ça que je cherchais. Oui, un peu défi, d'explorer, de s'éclater avec la programmation, de faire des choses aussi qui sont pas nécessairement qui ont pas nécessairement une fin pratique, où il y a pas nécessairement un but derrière chaque chose. Parfois on se promène dans galerie puis on tombe sur des cul-de-sac sans arrêt. Il y a pas nécessairement quelque chose d'utilitaire à chaque objet qui est présent dans cet univers virtuel là. Non, c'est beaucoup pour s'amuser, on a beaucoup de plaisir. Puis, non, c'est le fun. Puis, il y a vraiment des références à des trucs culturels qui ne sont pas nécessairement considérés comme de l'art avec un grand A. On parle beaucoup il y a des codes qui se rapprochent de la culture populaire, des choses qu'on voit. Est-ce que c'est important pour vous de mélanger un peu, de faire un projet où c'est des œuvres d'art, c'est vraiment de la création, c'est de l'exploration, mais on joue beaucoup, beaucoup avec l'univers qui est plus de la culture populaire produite de masse, là, un peu, si on veut. Il y a ce mélange-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans ta pratique à toi, dans la pratique de tous les artistes que vous choisissez pour... Ben, on est ouvert à beaucoup de choses. Donc, nous, quand les gens nous arrivent avec des affaires, justement, qui sont comme complètement éclatées, puis on est toujours contente d'aller chercher des affaires, justement, qui sortent peut-être des standards plus ce qu'on voit d'habitude, là, mais... Je sais pas si je réponds à la question. Oui, okay. Non, non, c'est vraiment intéressant. En fait, l'expérience, c'est vraiment d'aller sur Galerie Galerie puis de voir votre l'exposition qui est là en ce moment, Silicon Valley. Il y a ces trois œuvres-là qui sont à découvrir. Pendant combien de temps est-ce qu'on va pouvoir voir cette... Je sais plus. Ça doit l'écrire sur les feuilles. Je sais plus. Je sais même pas quand est-ce que ça termine. Mais on va pouvoir le voir pendant encore au moins quelques semaines, si je me trompe pas. Au moins deux semaines. Je connais pas mes dates. Je suis désolée. Mais après, la galerie, elle retombe en mode construction, puis on se prépare pour la troisième exposition ensuite. Ok, super, vraiment. Puis vous avez fait ça un peu. Bon, tu disais qu'il y a eu la subvention jeune volontaire, ça vous a donné un petit coup de pouce. Mm-hmm. Vous êtes mis à trois pour monter ça. Mais vous avez vraiment monté ça à partir de rien là. C'est un peu à l'extérieur aussi du réseau plus institutionnel, peut-être normal. Beaucoup d'artistes vont passer par ce réseau-là, des centres d'artistes pour la création, tout ça. Vous avez vraiment fait ça par vous-même, très do-it-yourself, là, très fait maison. Ouais, on est complètement autonome, puis on est vraiment allé se rejoindre avec nos compétences. Là. Moi, j'aurais jamais pu monter ça seul, Sophie non plus, puis on est super content d'avoir Mère Charlotte qui nous aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les textes parce qu'on n'est pas tout le temps... On manque de vocabulaire des fois, mais vous vous complétez bien. Exactement, quand même. Okay. Ben oui, c'est ça justement. Sophie, elle vraiment, moi je trouve qu'elle elle torche là, complètement. Là. J'adore ce qu'elle fait, puis non, on est bien contente de notre trio. Ben c'est un bon trio d'ailleurs. On vous invite tous les auditeurs, si vous n'êtes pas déjà sur galeriegalerieweb.com, on vous invite à y aller. Et si les gens ont des projets qu'ils veulent déposer, ils peuvent aussi vous envoyer ça. Ou à chaque fois, vous allez avoir un nouvel appel de dossier pour une expo différente. Ouais, ils peuvent constamment nous envoyer leurs projets. On est toujours content de recevoir des nouveaux. Puis des fois, on peut monter des nouvelles expositions à partir de ce qu'on va recevoir, en allant chercher des trucs qui se rejoignent un peu plus ensemble aussi. Sinon, j'invite tout le monde à s'abonner à notre infolettre. On a vraiment essayé de faire une infolettre aussi plus divertissante. Oui, divertissante. Là. Vous allez recevoir des textes ou des gifs. Là. Il y a plein de choses. Alors, aux amateurs et amatrices de gifs, allez vous abonner tout de suite à l'infolettre de Galerie Galerie. Ben, merci beaucoup, Gabrielle Bonacci, d'être venue en studio nous présenter ça. Et on espère en voir plein d'autres des projets de ce trio dynamique. Ça continue. On n'a fait que commencer. Alors, ne nous quittez pas. Après la pause, on continue de parler d'art web avec l'artiste Pierre Ginard, qui est un artiste français qui est à Québec en ce moment et qui a pris quelques minutes pour venir nous parler. Alors, restez des notes. On est tout de suite avec vous après la pause musicale. Alors déjà de retour en ondes et cette fois-ci, on a la chance d'avoir des visiteurs, un visiteur en fait qui vient de loin, de l'autre côté de l'océan. Alors monsieur Pierre Ginard, artiste français, est avec nous ce soir. Bonsoir Pierre. Bonjour Sarah. Bonsoir. Alors Pierre est en résidence actuellement à la Chambre Blanche, résidence d'art web. Et si je ne me trompe pas, c'est une des premières résidences d'où il y aura une création d'art web vraiment qui sera faite sur place à la Chambre Blanche. Ah non. Enfin, vous vous trompez pas et en même temps, vous vous trompez. C'est-à-dire, je crois qu'en 1997, j'avais déjà fait une résidence chez eux pour faire de l'art web. Ah, d'accord. C'était une sorte de toute petite cigarette qu'on venait fumer sur Internet et qui contenait des mauvaises nouvelles. Elle se consumait le temps d'une mauvaise nouvelle. Ah, et c'est encore une fois des cigarettes mauvaises nouvelles qu'on retrouve ou c'est un projet complètement différent cette fois-ci? Alors, ça va être complètement différent. En fait, bon, pour l'instant, je suis venu une première fois pour faire une sorte de repérage, savoir ce que je ferais, enfin voilà. Et c'est une évolution de l'art web, au sens où ça utilise des téléphones intelligents. et de la réalité augmentée. C'est-à-dire que l'art web, effectivement, c'est une possibilité qui n'arrête pas de se renouveler, comme on a vu avec la galerie avant. Oui, oui. Et qui est un espace de liberté et d'expression, et à la fois les technologies avancent, et puis les désirs des artistes aussi, ceux qui les invitent aussi. Oui, et il y a en fait, c'est intéressant d'avoir Gabriel juste avant la pause, parce que Gabriel fait de la programmation, et pour pouvoir explorer toutes les possibilités en fait qu'offre le numérique, il faut aussi s'approprier un peu cette technologie-là. Vous, vous avez aussi ces compétences pour pouvoir faire explorer un petit peu plus loin, est-ce que c'est ça que... Ben oui et non. C'est-à-dire que oui, je suis venu justement parce que la Chambre Blanche est très équipée désormais dans les technologies numériques, avec une tapée d'imprimante 3D, enfin voilà, et puis là un scanner 3D, et moi en ce moment je m'intéresse vraiment au scan 3D, c'est-à-dire photographier les gens en trois dimensions. Simplement parce que je pense que les artistes sont obligés de s'occuper de ces affaires, qui sont des affaires industrielles. Le numérique, c'est pas développé pour eux, c'est pas développé pour nous. C'est développé pour l'industrie des médias. Et on est obligé de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Mm-hmm. Voilà. Et en ce moment, ce qui m'excite ou ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces nouvelles images qui sont en trois dimensions, qui nous ressemblent, qui peuvent produire nos avatars, enfin voilà. Et où est-ce qu'on les place? Et d'ailleurs, vous avez un avatar. Moi, je ne vous avais jamais vu, mais je vous ai reconnu grâce à votre ressemblance avec votre avatar que j'ai pu voir sur le net. Et oui, je fais faire, il y a quelques années, à une société de jeux vidéo, une version de moi-même. Bon, c'est une version un peu vide, hein. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que, à la fois, avoir une version de soi-même, ça, tant qu'elle n'est pas super ressemblante non plus, hein, je ne me confonds pas avec elle. Mais ça oblige à se dire qu'est-ce qu'on lui fait faire. Et c'est une sorte de drôle de rapport qui est intéressant. Alors pour l'instant, justement, il existe aussi à Québec. Il est en train de venir s'installer dans des musées, dans des lieux, et aussi sur la Chambre Blanche. Mmh. On va le voir avec une application de réalité augmentée. Mais à l'origine, il était fait pour exister dans le cadre d'une résidence dans un autre musée, dans un musée à Paris qui s'appelle le Musée des Arts Décoratifs, il y a quelques années. Il existait à l'endroit où on pouvait pas aller, en fait. C'est-à-dire parce que c'est un lieu qui présente une collection d'art décoratif. Mm-hmm. Donc des fauteuils, des chaises, des lits, des tables. Et je me suis dit que c'était une maison, finalement. C'était un musée de l'habitation et du coup, ce personnage habite ce musée. Est-ce qu'il y habite toujours? Est-ce que votre avatar est à plusieurs endroits en même temps, en train de s'installer à Québec et dans un musée d'art décoratif? Oui, il est à New York, au MoMA aussi. En fait, c'est un squatter. Il peut être à peu près où il veut. Enfin, si je décide qu'il y est. C'est le seul rapport qu'on a entre nous. C'est-à-dire qu'il m'obéit. Mais il m'obéit. C'est moi qui décide en partie de ce qu'il fera. Mm-hmm. Mais c'est vrai que se poser la question de ce qu'il fera, c'est assez marrant parce qu'il peut faire des choses que je peux pas faire moi. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça l'intérêt de cette autre sphère, finalement, la sphère du numérique. C'est à la fois on s'y projette, on y habite et on peut y faire autre chose. Mm-hmm. C'est presque une idée d'infiltration, en fait, pour revenir à ce que vous disiez un petit peu plus tôt, presque un devoir d'infiltrer ces nouvelles technologies ou une responsabilité Je crois que c'est une responsabilité, oui. Mm-hmm. C'est-à-dire que je fais aussi beaucoup d'expositions sur le jeu vidéo. Je pense que, j'en ai fait d'un côté des jeux vidéo, enfin je m'en suis servi pour savoir ce qu'on en faisait comme artiste, mais si des gens sont pendant des heures et aussi passionnés par des jeux vidéo, c'est qu'il s'y passe quelque chose. Mmh. Et c'est un des objets qui produit le plus d'images aujourd'hui, même il en produit plus qu'un film au sens où il en produit beaucoup plus par seconde. Mmh. Et du coup ça veut dire que quelque chose s'y passe à cet endroit-là. Il y a des spectateurs. Mmh. Et qu'aux artistes aussi, il est obligatoire de se poser la question de ce qu'ils y font, de ce qu'on peut y faire. Est-ce que les artistes s'y rencontrent dans cet espace? Est-ce qu'il y a des rencontres qui se passent ou elles se passent toujours dans le domaine de... Ah si, si, moi je pense que c'est une nouvelle... Moi je travaille avec beaucoup de gens. Vous disiez, est-ce que je sais programmer? Oui, je sais programmer, mais pas aussi bien que d'autres. Parce que voilà, ça étend la sphère des artistes même et des collaborations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un danseur, un écrivain, un poète, un journaliste, tout le monde... Voilà, se sert des outils numériques et embarque des outils numériques et produit du numérique. Et à partir de ce moment-là, finalement, il y a un nouvel espace qui existe, qui est une sorte de plateforme sur lequel on va pouvoir se rencontrer. Tout simplement, on va pouvoir échanger des matériaux et produire des choses ensemble. Bon, moi, c'est ce qui m'intéresse. Mm-hmm. C'est pour ça que le numérique m'intéresse le plus. Oui, et puis parlant d'échanges, pour les gens de Québec, que ce soit en vrai ou en numérique, comment on va pouvoir avoir accès à ce que vous allez créer? Ben, vous serez prévenu par le web ou par Facebook. Bon, mm-hmm. Pour l'instant, je viens une première fois pour faire un repérage, c'est-à-dire pour regarder ce qui se passe ici, qu'est-ce que je peux faire. Bon, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir l'exposition La Bibliothèque la nuit au Musée de la Civilisation, que je trouve remarquable. Oui. Et aussi le pavillon. Je suis désolé parce que je suis touriste un peu aussi. Ah, oui. Je suis super touriste et super spectateur, c'est ça mon métier. Et j'ai trouvé aussi que l'exposition sur les Inuits au Musée des Beaux-Arts était superbe. Mm-hmm. Bon, et je trouve que... Et en fait, du coup, la première chose que je fais, justement, c'est venir voir pour savoir ce que je peux faire. Mais exactement comme un artiste aujourd'hui peut faire du web, il peut faire de l'installation, il peut faire de l'art social. La question, c'est justement, tout étant activé, toutes ces possibilités d'expression étant activées, il faut qu'il se dise qu'est-ce qu'il va faire spécifiquement. Mmh. Et donc, je suis venu voir ça. Pour savoir où est-ce que j'allais intervenir, avec qui. Ce que je fais, c'est je numérise des gens. Si vous voulez, je le mm-hmm. fais à la fin de cette émission. Ah. C'est-à-dire, parce que je construis une grande population de personnages. Enfin, en l'occurrence, mes amis, ceux avec qui je travaille, les gens que je rencontre. Et après, en me disant qu'est-ce que cette population peut faire. Alors, ça mm-hmm. s'appelle les résidents, effectivement, parce qu'ils vont prendre place à certains endroits. Mm-hmm. sur la Chambre Blanche, mais sans doute au Musée des Beaux-Arts ou ailleurs. Et justement, vous allez pouvoir en parler davantage et on invite les auditrices et auditeurs qui aimeraient en apprendre un petit peu plus sur votre travail et ce qui va se tramer là autour des résidents à venir vous rencontrer le 3 novembre, donc ce jeudi, à 17h à la Chambre Blanche. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Puis comme ça, j'en connaîtrai un peu plus. Oui, et on risque peut-être de se retrouver parmi ces résidents. Avec plaisir, c'est fait pour ça aussi. C'est fait à la fois pour... voilà, il n'y a pas d'échange sans contrepartie. Donc, je vais raconter ce que je fais. Et si vous voulez bien, donnez-moi votre corps. Voilà. Alors, c'est une invitation qui est lancée à tous. Voilà. Merci beaucoup pour ce passage éclair à notre émission, Pierre Giner. Et puis, on sera des vôtres jeudi prochain. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on est à la toute fin de notre émission de l'aérospatiale et on s'est gardé un beau dessert, je dirais, avec Mélina Kerouas qui vient de se joindre à nous en studio. Alors, bonsoir Mélina. Bonsoir. Tu vas nous parler de ce projet qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Mine de rien, qui est un projet de soirée de création interactive, création collective. Explique-nous un peu ce qu'est Mine de rien. Ben, c'est un peu les deux, un peu créatif, un peu création collective, mais interactif beaucoup dans le sens que il y a un partage qui est fait. Les gens viennent avec un projet. Il y en a à peu près 8 en même temps, par soirée. On se promène d'une place à l'autre. On ne peut pas toutes les faire. Puis on essaye, fait que ce soit de la sculpture de fil de fer ou bien manipuler des marionnettes. Ça varie là, vraiment à chaque fois. OK, donc on parle de vraiment les arts au sens large, de personnes qui ont déjà un projet de création en tête ou à tout le moins ou entre les mains et qui se rencontrent pour créer ensemble ou pour échanger sur leur création. Comment ça marche exactement? En fait, il y a 8 personnes qui arrivent à la soirée avec leur projet. On s'est déjà rencontrés pour le préparer. Puis à peu près 50 à 70 personnes qui viennent pour participer à leurs ateliers. Puis à ce moment-là, ben, ça devient un grand mélange entre partage de connaissances puis d'inspiration. Mm-hmm. Puis souvent, ça amène autant aux gens qui font l'atelier puis qui sont en contact avec des gens qui ont d'autres idées avec les mêmes matériaux qu'aux gens qui ont peut-être jamais touché à ça ou qui sont des vrais passionnés. Fait que vraiment un espace de rencontre, d'échange. Tout le monde se parle, là, à la fin. Puis entre des gens, tu dis, qui ont jamais touché à ça ou des gens qui sont des experts dans la maîtrise d'une technique ou d'un type de matériau, qui savent bien le travailler. Donc, il y a quand même un mélange au niveau des gens qui connaissent un peu plus les pratiques artistiques puis d'autres qui sont un peu plus qui vont par curiosité, peut-être? Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est un peu de briser cette frontière-là entre « je sais pas le faire », puis maintenant que je suis un adulte, ben je l'apprends plus. puis se permettre d'être un peu innocent, comme un enfant, puis d'essayer. Puis sans tabou, il n'y a pas un professeur là-dedans. C'est vraiment juste ça. Et c'est une série de soirées, donc c'est pas la... Il y en a une qui s'en vient prochainement au mois de novembre, qui est le 17 novembre, si je ne m'abuse. Oui, mais c'est pas la première fois que cet atelier. Non, ça doit être à peu près la 15e. Ça fait presque 3 ans maintenant. Okay. 3 ans déjà que ça roule. Mm-hmm. Et c'est toujours au même lieu? C'est toujours avec le même bassin de gens qui se joignent? Ou Le bassin de gens change beaucoup. Le lieu a changé aussi. Avant, c'était à l'Agité. Mm-hmm. Maintenant, c'est au Tam Tam Café. Ça rayonne différemment. Mm-hmm. Puis de plus en plus aussi, les gens... il y a plus d'écart d'âge entre tous les participants. Donc ça, c'était une des missions qui a pris longtemps là, à se développer. Puis là, ça y est. Ça y est, vous avez ce multigénérationnel-là dans votre... et c'était ton projet à toi? C'est une idée que qui a germé dans tes rêves à toi? C'est quelqu'un qui est venu me proposer de faire une soirée d'art visuel à l'AJT. Puis on dirait que ça comblait pas mes attentes, parce que moi, je suis plus dans le milieu visuel, mais tu sais, il y a plein d'affaires que j'aimerais ça pouvoir toucher encore. Fait que j'ai décidé d'aller chercher du monde qui avait envie de partager puis mm-hmm. d'essayer des nouvelles choses. Et s'il y a des gens d'ailleurs qui seraient intéressés à prendre part à ces soirées-là, il y a des événements sur Facebook qu'on peut, peut suivre? Donc il y a le groupe sur Facebook là, où est-ce qu'il y a toutes les nouvelles, puis il y a l'événement directement sur lequel il y a la programmation qui sort là, au fur et à mesure. Puis on peut me contacter directement pour monter un atelier. Où est-ce qu'on te contacte? Sur Facebook, ou mon adresse email, c'est melina.keroas, KERHOAS@commercial.com. Merci beaucoup, Mélina, d'être passée nous présenter ce projet. On espère qu'il y en aura d'autres. Et c'est vraiment une soirée donc de partage, d'échange, qui a pour l'art comme lien, un peu, si je peux, dont l'expérience principale semble être vraiment l'échange entre les gens et le partage des connaissances. Oui, puis je pense aussi beaucoup de s'approprier notre créativité puis d'en faire l'expérience intime, pas juste celle qu'on consomme. Ben, très, très beau projet. De notre côté, on finit cette émission avec d'autres événements et d'autres expositions qu'on vous invite à aller voir cette semaine. Alors, on vous a parlé ce jeudi d'une rencontre avec l'artiste Pierre Ginard qui a parlé un petit peu plus tôt à l'émission, mais il y a également la Chambre Blanche. Il y aura un 5 à 7 avec l'artiste Cindy Coutant, qui est une artiste française aussi, qui est en résidence croisée organisée par Rhizome Littérature Vivante et Le Cube en France. Donc, elle sera à la Chambre Blanche en 5 à 7. Et c'est également le finissage de la résidence d'Esther Rocavilla. Donc, on aura vraiment une belle soirée ce jeudi à la Chambre Blanche, et vendredi, double vernissage au Centre Regard à Lévis avec l'artiste Tim Messellier, qui va occuper le projet Pas de fantôme, l'espace de la vitrine des membres, et une autre exposition collective qui s'appelle Les grands espaces, où on va voir les artistes Annie Charland, Thibaudeau, Martin Desilets, Laurent Lévesque et Anne-Marie Proux. Alors, ça ne sera pas manqué ce vendredi. Et finalement, en fin de semaine, vous avez jusqu'à dimanche, ou en fait samedi, pour voir l'exposition collective du Saguenay à Haut-Lieu, et également l'exposition d'Hélène Rochette à l'espace parenthèse. Alors, c'est ainsi que s'achève cette émission de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez nous rattraper en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Suivez-nous également sur notre page Facebook et sur Instagram. Et cette semaine, comme à chaque chaque deux semaines, on a préparé une revue de presse d'actualité artistique qui sera disponible en ligne sur notre site web. Alors, un grand merci à tous nos invités ce soir. Mélina Kerouas, qui est encore avec nous en studio. Merci beaucoup, Mélina. Merci à l'artiste Pierre Ginaire. Merci à nos trois artistes, Sarah Thibault, Marie-Fauve Bélanger et Fanny Ménard, qui étaient avec nous. Notre chroniqueuse, Louane Bourdeau. Jacques Gignac, notre magicien des ondes, comme toujours. Et nos comparses, Jean-Tiane Lafrance et Audrey Carreau. Alors, restez des nôtres. De l'autre côté de la pause, ce sera Pierre Blais et son équipe qui vont vous parler de cinéma à l'émission Situation Critique. Bonne soirée. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation Critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. CKRL 89.1. La Foire du disque de Québec approche à grands pas. Plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. C'est un rendez-vous le 5 novembre prochain, de 10h à 16h, au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Qu'on se le dise, folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou Les Chercheurs d'or. Les mardis soirs à 19h30 avec Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL. L'Orchestre symphonique de Québec, sous la direction de Fabien Gabel, sera au Palais Montcalm pour une soirée au répertoire éclectique, en compagnie de grands compositeurs tels Rameau, Zemlinsky et Mozart, avec sa célèbre symphonie numéro 36. Aussi au programme, l'imposant et magnifique concerto pour hautbois de Richard Strauss, interprété par Philippe Magnan, hautbois solo de l'OSQ. Rendez-vous ce mercredi 2 novembre à 19h30 au Palais Montcalm. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Cet automne, la Ligue québécoise d'impro BD, Liki BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations.